C'est parti. Peut-être si, voilà, si on pouvait savoir à qui nous nous avons affaire. On peut commencer, très bien. Donc, Quentin Fondu, doctorant en première année au CESP et membre du collectif contre la précarité à l'EHESS. Elsa Boulay, doctorante en sociologie à l'IRIS et membre du collectif contre la précarité. Voilà, je suis France Artois Mbaye, je travaille à l'EHESS comme administratif au service des thèses et je suis représentante du personnel à la commission consultative paritaire des agents non titulaires. Et bonsoir à tous, donc Elsa Verneau, doctorante également à l'EHESS et membre du CPEHESS, collectif précaire de l'EHESS. Voilà. Et donc nous avons demandé à Artemisa et à voilà et à Romain Pudal, c'est ça, de renvoyer la balle, quoi. Ouais. Bah donc peut-être que l'on pourrait avant d'aller plus loin évoquer cette journée qui va se tenir samedi. Oui, ben, je pourrais dire deux mots très rapidement, parce que tout à fait de donner compte. Alors, donc, samedi prochain, il y a une journée sur l'emploi scientifique, sur l'absence de l'emploi scientifique, avec en gros qui se tient par la Sciences Po. Alors, vous avez peut-être plus d'informations précises, peut-être, je ne les ai pas. Oui, alors c'est le donc samedi 31 janvier, de 10h à 18h30 à Sciences Po, au 56 rue des Saints-Pères, dans la salle François Gauguel, qui est au cinquième étage, donc de 10h à 18h30. Et en gros, la journée est organisée en trois temps. D'abord, il y a un premier temps sur le recrutement ou le recrutement au CNRS, ensuite un deuxième temps sur ce qui se passe à la fac, les comités de sélection, etc. etc. Et le troisième temps, c'est de faire un peu un point sur les différentes mobilisations qui existent en faveur de l'emploi scientifique, voir ce qu'on peut faire, etc. L'idée de cette journée au départ, donc elle a été montée conjointement par plein de gens, l'association des sociologues enseignants du supérieur, l'association française des sociaux, l'association des enseignants et chercheurs en sciences politiques, la NCMSP, la CS, enfin bon, plusieurs associations et des membres des commissions de la 36 et de la 40 au Sénat ont accepté de participer. Pour expliquer, alors l'idée au départ, c'est venu essentiellement, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'imagine, que l'année dernière, il y a eu une sélection très forte des dossiers au CNRS entre l'écrit et l'oral. Le jury d'admission a été beaucoup plus drastique que d'habitude, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les gens qui déposaient un projet CNRS à l'écrit avaient toute chance d'aller le défendre à l'oral, et aussi, on était à quasiment 50% de personnes en moins. Sur des critères qui n'ont pas paru très clairs à tout le monde, ça a créé beaucoup de tensions, parce que ce genre d'affaires crée des tensions très vite, et d'interrogations évidemment sur ce qui s'était passé. Du coup, on a eu un certain nombre de demandes auprès des associations, etc., disant bon, est-ce qu'il est possible que les commissions de recrutement 36 et 40 nous expliquent ce qui s'est passé, et par extension, est-ce qu'on peut. Parce qu'on est de plus en plus, je crois, confronté à ça, embêté quand on est dans des comités de sélection, etc., pour expliquer à un moment pourquoi on a voté pour un tel ou un tel et pas un tel ou un tel, et que c'est bien normal aussi que les candidats essayent de savoir un peu ce qui ne va pas dans leur dossier, entre guillemets, ce qui est de plus en plus compliqué à dire. Donc voilà, donc du coup, on a essayé de monter une journée, les différentes assos et tout ça pour. Pour parler de ça, évidemment, c'est pris dans un contexte général, cette crise-là ou cette tension sur ce concours de recrutement ou sur certains comités de sélection, c'est évidemment pris dans une situation générale de précarisation maximum, d'emploi scientifique en berne, etc. Donc il fallait aussi en dire un mot, pas plus qu'un mot, dans la journée. Voilà l'idée. Donc c'est ouvert, tout le monde peut venir. Voilà. Normalement, je crois qu'on a même réussi à faire un cours, un truc comme ça. Oui, il y a un pot, j'ai vu ça. Voilà, c'était juste pour moi. Très bien. Eh bien, la parole au membre du collectif. Pour commencer, merci pour votre invitation qui nous a rendu fait chaud au cœur, il me semble. Et deuxième chose aussi, avant de commencer, il importe de se demander de quoi notre intervention a le nom. En effet, on ne vise pas ici à avoir une parole experte sur ce qu'est la précarité objectivement dans le monde universitaire, mais bel et bien de prendre la parole au nom d'un collectif militant et donc bien de mettre en avant les questions politiques qui se posent. concrètement, sur le collectif en tant que tel, c'est un collectif qui s'est monté en début octobre 2014 face à une double problématique. D'une part, essayer de se regrouper contre la solitude des doctorants, essayer de discuter des problèmes qui se posaient, et notamment la difficulté de se faire financer et de financer les terrains, les déplacements, etc. etc. Notre visée n'était pas au départ de regrouper uniquement les doctorants, mais bel et bien de regrouper à la fois les étudiants en master, les doctorants, les personnels administratifs et enseignants, mais aujourd'hui, il est vrai que nous sommes surtout des doctorants à animer ce collectif, même si on ne perd pas de vue notre objectif initial. Donc la principale motivation était, encore une fois, comme je l'ai dit, d'ouvrir un espace de discussion, un espace d'échange qui tend à se faire de plus en plus rare au sein du monde universitaire, pour partager donc nos problématiques, notamment le mal-être collectif qui pèse un petit peu sur la situation de doctorants aujourd'hui. On voulait à ce titre essayer d'établir un cahier de revendications, non pas figé comme nous vous les présenterons tout à l'heure, mais bel et bien évolutive, et bel et bien de nous mobiliser sur notre propre lieu de travail, parce qu'à notre avis c'est là où se posent les problématiques les plus vives, même si on ne perd pas de vue le cadre politique dans lequel s'insère la question de la précarité. C'est même l'objet exclusif, pas exclusif mais en tout cas principal, de notre réflexion. Donc pourquoi un collectif contre la précarité ? Pour nous, ça permet véritablement d'appréhender par un bout l'ensemble des métamorphoses de l'ESR et les différentes problématiques qui se posent à l'ensemble des personnels et des gens qui cohabitent au sein du monde universitaire. La précarité, en effet, en tant qu'elle permet d'avoir une main-d'œuvre flexible et pas chère, semble devenir de plus en plus un des rouages essentiels du monde universitaire. Et c'est contre cette logique-là, une logique qui n'est pas propre au monde universitaire, mais qui se développe dans l'ensemble du monde social, contre laquelle donc il nous semblait important de revenir, sur laquelle réfléchir, et contre laquelle aussi lutter. Donc je passe tout de suite la parole sur justement la question politique qui se pose derrière la précarité. En fait, qu'est-ce qui se cache ? Merci. Merci Quentin. Donc, effectivement, je vais revenir brièvement. Alors j'espère que vous, enfin peut-être que ce sont des choses que vous savez déjà, mais sur la LRU, qui est un des vecteurs principaux qui conduit aujourd'hui à des situations de précarité qui vont croissant dans le monde universitaire. Donc revenir très brièvement sur ce que c'est que la LRU et quelles sont ses conséquences. Avant l'application de la LRU en 2007, il y a eu d'abord la réforme LMD, licence master doctorat, donc qui a été adoptée en 2003 et qui s'inscrit dans une politique de démantèlement de l'université comme service public et qui correspond à l'imposition d'une norme ultralibérale qui régit le système universitaire aujourd'hui. Donc il y a une idée, le savoir n'est plus un bien collectif, ou est de moins en moins vu comme un bien collectif, mais il devient un bien qui est privé, qui est appropriable et qui est monnayable. Et la LMD, ça a été la réforme qui a impulsé l'accroissement des inégalités entre universités. Le but, c'était d'harmoniser les diplômes à l'échelle européenne, de donner une autonomie pédagogique aux universités pour qu'elles puissent décider elles-mêmes du contenu des diplômes. Mais il n'y a pas eu de moyens financiers ni humains supplémentaires qui ont été donnés aux universités. Et ça a mis fin à une certaine cohérence pédagogique qu'il pouvait y avoir à l'échelle nationale entre universités. Suite à la réforme LMD, donc, il y a eu l'adoption de la loi LRU, la loi sur la réforme ou l'autonomie des universités, proposée par Valérie Pécresse, adoptée donc en août 2007. Août, bien sûr, hein, on est en été, les étudiants ne sont plus là pour se mobiliser. Et donc, les principales réformes, les principaux changements entraînés par la LRU, il y a vraiment un aspect financier avant toute chose, avec un changement dans la manière dont les universités sont financées, et un clair désengagement de l'État qui s'efface devant des financements un État qui encourage de plus en plus un rapprochement entre l'université et le monde de l'entreprise, et notamment qui incite les universités à recourir à des financements privés pour fonctionner. Donc il y a une sous-dotation de la part de l'État et une politique qui va clairement dans ce sens d'un rapprochement entre université et entreprise. Je vous fais une petite citation de l'économiste Thomas Piketty, que j'aime bien, qui dit « Il ne peut exister d'autonomie réussie sans une maîtrise des moyens correspondants, avec des progressions régulières et prévisibles. La liberté dans la pauvreté et la pénurie, cela ne marche pas. » Donc c'était vraiment pour dire que c'est bien de vouloir que l'université soit plus autonome, mais si elle n'a pas les moyens financiers pour développer cette autonomie, ça n'a pas de, y a pas de cohérence. Le deuxième grand impact de la LRU, au-delà du retrait de l'État et qui s'efface devant les financements privés, ça a été aussi une concentration des pouvoirs et un moindre partage des responsabilités au sein des universités, avec notamment des transformations au niveau du comité d'administration des universités. La plupart des comités d'administration se sont vus réduits de moitié. À ces comités d'administration siégeaient, entre autres, des représentants du personnel administratif, des représentants des étudiants, des représentants des enseignants-chercheurs et des intervenants extérieurs. La part d'enseignants-chercheurs a été maintenue. En revanche, la part des représentants étudiants et la part des représentants du personnel administratif a été divisée quasiment de moitié en proportion, pour laisser davantage de place aux intervenants extérieurs, qui très souvent sont issus du monde de l'entreprise. Donc ça donne une idée de qui prend les décisions dans le monde universitaire aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est une des grandes conséquences de la LRU, qui est peut-être moins connue aussi. Dans ce contexte, le président de l'université s'est également vu attribuer davantage de pouvoir. Donc il peut décider du budget, il peut décider de quelles personnalités extérieures sont invitées au CA. Donc les personnalités extérieures ne sont pas élues. Et puis il a un droit de veto sur les affectations, etc. etc. Voilà, donc suite à l'adoption de la LRU, il y a un certain nombre de conséquences assez dramatiques qui se manifeste au sein du monde universitaire. Le manque de moyens financiers, ça engendre un effondrement du budget des universités. Elles sont de plus en plus dépendantes du monde entrepreneurial, qui devient leur principale source de revenus potentiels. En 2013, il y a 19 universités qui ont clôturé leur budget en étant déficitaires. Voilà. Avec Sergi Pontoise, qui avait fait pas mal parler d'elle à l'époque. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est, mais enfin, elle est encore vivante et ouverte. Mais voilà. Y a un manque de moyens humains qui découle également du manque de moyens financiers. Ça veut dire qu'il y a une baisse des recrutements parmi les enseignants, parmi le personnel administratif. Donc ça entraîne inévitablement des dysfonctionnements structurels au sein des universités. La LRU prévoyait une limite du plafond de la masse salariale. Donc le personnel n'est plus employé en fonction des besoins des universités, mais en fonction des moyens qu'elle a. Donc, il y a une détérioration du droit du travail, un recours massif à la contractualisation. On pourra vous donner moult exemples d'étudiants et de doctorants qui ont des contrats précaires de 4 mois et qui sont payés à la fin de leur temps d'enseignement, etc. etc. Ou encore des fins de thèse qui sont officiellement désormais financées avec les allocations chômage, hein, parce que voilà, on a les financements de thèse en 3 ans, puis après vous finirez votre thèse avec les allocations chômage, donc c'est intéressant de savoir comment le monde de la recherche se finance pour ses doctorants. On a une mise en concurrence, bien sûr, au sein du monde universitaire à de multiples échelles, entre étudiants, parce qu'il y a de moins en moins d'allocations doctorales et de bourses, donc quand on est 30 en M2 et qu'il y a 4 allocations doctorales, eh ben, on est en concurrence avec les collègues et c'est pas la meilleure des ambiances pour savoir qui va avoir l'allocation doctorale ou qui va avoir la bourse. Bon, c'est des choses qui ont toujours été mais qui s'accroissent depuis l'adoption de la LRU. On a une mise en concurrence entre chercheurs, puisqu'il y a également moins de financement pour les laboratoires, moins de dotations, et puis des systèmes d'évaluation aussi, des chercheurs eux-mêmes, des laboratoires, etc., qui accroissent la compétitivité, la mise en concurrence. Il y a une concurrence entre universités elles-mêmes qui doivent désormais être attractives pour attirer les investisseurs, les financeurs, se démarquer les unes des autres au nom d'une compétitivité à l'échelle européenne et mondiale, avec également des systèmes de classement. Et donc voilà, cette compétitivité, elle se à l'échelle des universités, elle se manifeste avec la création de pôles de compétitivité qui associent laboratoires, universités et entreprises. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des PRESS, par exemple, pôles de recherche et d'enseignement supérieur, qui sont récemment devenus les COMU, communautés d'universités et d'établissements. Et voilà, qui sont donc des regroupements d'enseignement supérieur, d'écoles, d'universités, pour être plus visibles à l'échelle nationale et européenne et internationale et être plus compétitives. À ce propos, je ne peux m'empêcher de vous lire un mail qui a été envoyé par le président de l'EHESS, Cyril Hautecoeur, en décembre 2015, et qui se réjouissait de l'entrée de l'EHESS au sein du nouveau COMU PSL, hein, Paris Sciences et Lettres. Donc voilà. Chers amis, j'ai proposé samedi dernier à l'Assemblée des enseignants de l'EHESS de rejoindre la communauté d'universités et d'établissements Paris Sciences et Lettres, PSL, ce qu'elle a choisi à une très large majorité. Ce choix conduira l'EHESS à assumer une position centrale et une responsabilité éminente dans le champ des sciences humaines et sociales à l'échelle de cette commune qui compte notamment parmi ses membres, outre l'École normale supérieure et le Collège de France qui sont ses partenaires historiques, des écoles d'ingénieurs, mines, physique, chimie, chimie de Paris, l'Université Paris-Dauphine, l'Observatoire de Paris, l'Institut Curie et plusieurs conservatoires et écoles d'art réputées, bien sûr. Si elle n'était pas, ce ne serait pas drôle. Voilà, donc l'école adhère avec confiance à cette communauté fondée sur le dynamisme d'établissement aux fortes personnalités alliant réactivité et autonomie. Elle mettra en œuvre à l'échelle de cet ensemble sa conception pluraliste des sciences humaines et sociales, ouverte aux collaborations avec les autres sciences et avec les arts. Elle pourra ainsi continuer à se renouveler sans renoncer à l'originalité et à la force de son projet initial. Au-delà de convergences importantes en termes d'organisation et de contenu, le HESS voit dans cette adhésion le moyen de conforter encore son ouverture internationale, nous y sommes, et de renforcer l'encadrement personnalisé et l'environnement scientifique grâce auquel elle tente de faire de ses étudiants des chercheurs accomplis, capables d'inscrire les savoir-faire des sciences sociales dans un spectre large d'activité. De ce point de vue, le choix de PSL ouvre de nombreuses possibilités d'insertion professionnelle grâce aux nouveaux appuis que l'école pourra trouver auprès d'établissements prestigieux dont l'efficacité en matière d'insertion et de réseau est remarquable. Donc voilà, on s'allie, on fait des alliances avec diverses écoles, etc. Bon, il n'y a pas de moyens au sein de l'université même, il n'y a pas de financement pour les laboratoires. Donc on est une coquille vide et on fait des alliances avec d'autres coquilles vides et on redore notre nom. Voilà. Donc on continue sur les conséquences de la LRU, négatives de la LRU. Il y a une croissance des inégalités entre universités puisqu'il n'y a plus les mêmes fonds de dotation pour chaque université. Avant, l'État donnait à chaque université un fonds de dotation global en fonction de ses besoins. Aujourd'hui, l'État continue à donner un peu de subventions aux universités, mais donc encore une fois, elle fait appel à des financeurs privés. Donc les financeurs privés, forcément, ça veut dire qu'il n'y a pas les mêmes budgets pour toutes les universités. Il y a une recherche qui est de plus en plus fragmentaire, parcellaire. Ça va avec la mise en concurrence, voilà, ça fait que la collaboration entre universités, entre labos n'est pas facilitée. Donc voilà, recherche fragmentaire et parcellaire au détriment de l'élaboration en savoir commun. Et une recherche aussi qui se fait de plus en plus à court terme, essentiellement sur appel à projet. La réforme LMD, elle allait déjà dans ce sens, avec des doctorats qui sont de plus en plus financés sur 3 ans. Il y a 20 ans, le doctorat, c'était une carrière, quoi. C'était 10 ans, 15 ans. Bon, aujourd'hui, c'est 3, ça change un peu la donne. Mais ce n'est pas que les doctorats, c'est aussi des post-docs qui sont de quelques mois, de 1 an, de 2 ans. C'est des post-dataires d'un an, c'est des projets avec la création de l'Agence nationale de la recherche qui, pareil, finance des projets sur quelques années. Donc, quel sens ça fait en sciences humaines de faire des terrains sur une durée de 1 an, 2 ans par rapport à... Enfin, voilà, comment se réorganise la recherche dans ce contexte-là. Voilà, il y aura encore d'autres exemples, hein, les bourses DIM et hors DIM Île-de-France, c'est pareil, c'est des appels à projets à court terme. On pourrait évoquer la dégradation des conditions matérielles des universités, qui va également avec un amenuisement des fonds financiers, donc dégradation du bâti, faute de moyens, etc. On rappellera dans ce contexte-là le plan campus qui faisait partie de la LRU. Donc le plan campus, c'était l'idée que les universités deviennent propriétaires de leur bâti et du foncier. Mais bah, ça coûte de l'argent d'entretenir le bâti et le foncier. Et bah, comme les universités n'ont pas d'argent, bah, finalement, elles n'avaient pas tellement d'intérêt à devenir propriétaires du bâti et du foncier. Bon. Et puis, bien évidemment, tout ça engendre une qualité d'enseignement et de recherche qui est moindre, qui répond davantage... qui est en train de plus en plus de répondre aux besoins des entreprises et des financeurs. La recherche devient donc un moyen plutôt qu'une fin en soi. Il y a une dépendance accrue à la norme de rentabilité financière de l'enseignement et de la recherche. Voilà, inégalité, etc. Volonté de délivrer des diplômes qui soient rentables. Donc là-dessus, on peut citer un exemple intéressant à Nanterre, par exemple. Donc il faut savoir que désormais, Nanterre-Paris-Ouest, la Défense, hein, c'est plus Nanterre-Paris 10, c'est Nanterre-Paris-Ouest, la Défense, est financé entre autres par BNP Paribas, le Crédit Lyonnais ou encore Dassault Aviation. Dans ce contexte, on voit des masters professionnels qui sont créés, notamment le M2 professionnel banque, monnaie et marché, qui permet à ces étudiants de trouver des débouchés dans les banques. Voilà. Comme conseiller financier. Intéressant. Donc, est-ce que c'est à l'université de pourvoir de telles formations? Et on peut se poser la question. Voilà, une réorientation de la recherche vers une recherche appliquée, productrice de brevets, rémunérateur, donc toujours l'idée que la recherche doit être rentable de plus en plus. Hein. Donc encore une fois, une recherche comme moyen et pas comme fin. Tout ça, ça va aussi engendrer une dégradation en termes d'ambiance, un mal-être croissant au sein de la profession. Forcément, travailler dans des conditions où on est en concurrence, où on doit être compétitif, où il y a des inégalités, pas forcément... le mieux en termes d'ambiance. En somme, un fonctionnement entrepreneurial répondant à une logique néolibérale de rentabilité. Pour illustrer concrètement les conséquences de la LRU pour étudiants, doctorants et personnel, je passe la parole à mes collègues France et Elsa. Je vais commencer avec ça. Alors du coup, moi je vais parler de la situation des doctorants à partir des discussions qu'on avait entre nous, des témoignages. Donc encore une fois, il ne s'agit pas d'une analyse scientifique de qu'est-ce que c'est être doctorant en France aujourd'hui, mais une espèce une compilation de témoignages, de récits pour vous donner un peu une idée. Enfin, j'imagine que vous avez déjà une idée, mais c'est toujours bien d'avoir les récits de première main, on va dire. Alors le premier constat qu'on fait, c'est que les doctorants forment une main-d'œuvre massive dans l'enseignement supérieur et la recherche, qu'ils sont extrêmement précaires, malgré leur importance pour faire tourner les universités. Dans certains laboratoires, les doctorants peuvent composer 50% du personnel de recherche. Environ la moitié des recherches qui paraissent chaque année sous forme de livres, ce sont des thèses qui sont publiées. Donc là encore, une importance des doctorants. D'autant plus si on a en tête que les livres, c'est aussi ce qui est plus accessible au grand public, parce que évidemment des articles universitaires dans des revues spécialisées, ça s'adresse que aux chercheurs, alors que les livres, c'est un moyen d'ouverture sur le plus grand public. Donc c'est aussi des questions qui se posent en termes de à qui s'adresse la recherche, quel effet elle va avoir dans la société. Et les doctorants, évidemment, sont également très importants pour l'enseignement, notamment pour se charger des enseignements, entre guillemets, bâtards dans les licences, les masters, la méthodo, le C2I, tous ces trucs-là qu'on file aux doctorants sous forme de vacation. En France, en sciences humaines et sociales, il y a 30% seulement des doctorants qui bénéficient d'un financement. Donc il y a 70% des doctorants qui travaillent sans être payés. Et à l'EHESS, ce chiffre il dépasse les 90%. Il y a précisément 9% des doctorants qui sont financés. Et évidemment, cette faiblesse des financements, elle élimine ceux qui viennent des milieux moins favorisés, qui n'ont pas déjà un emploi stable ou qui n'ont pas une famille ou un conjoint ou une conjointe qui peut les entretenir pendant la durée du doctorat. Et par ailleurs, les petits boulots, entre guillemets, que les doctorants, mais c'est pareil pour les masterants, font pour se financer pendant leurs études, ça n'a de petit que le nom, puisque ça prend évidemment beaucoup de temps et d'énergie. Et c'est toujours assez compliqué d'être face à un directeur de recherche qui ne comprend pas pourquoi les étudiants, masterants ou doctorants, consacrent autant de temps et d'énergie à leur petit boulot d'à côté au lieu de se consacrer à la recherche. Mais malheureusement, sans ça, pas moyen de payer son loyer et de manger à la fin du mois. Alors face à ce problème des financements, de nombreuses universités ont trouvé une solution magique pour les doctorants, c'est les vacations. Alors les vacations, c'est un travail d'enseignement qui est payé quelques centaines d'euros par mois quand il est payé, parce que c'est aussi sur ce type de contrat qui a le plus de retard de paiement, voire d'heures d'enseignement qui ne sont jamais payées ou qui sont payées 2 ans plus tard. Donc évidemment, avec ce type de financement, c'est compliqué d'avoir une stabilité financière, de payer son loyer et de poursuivre sa thèse. Donc ça contribue à décourager les doctorants de poursuivre. Les vacations, c'est également des conditions de travail qui sont extrêmement dégradées, avec quelquefois des emplois du temps qui sont annoncés la veille pour le lendemain, des TD qui peuvent être supprimés une semaine avant le début des cours, beaucoup d'enseignants vacataires qui sont aussi relativement isolés, très peu encadrés par une équipe pédagogique. Ce recours de plus en plus massif aux vacations, il sert à boucher les trous et à essayer de colmater un peu les brèches et le manque de financement, maintenir le bateau à flot, mais c'est évidemment une solution extrêmement précaire et instable, et voilà, qui s'appuie sur une main-d'œuvre qui est forcée d'être docile, qui est jetable du jour au lendemain et qui travaille dans des conditions extrêmement précaires. Ce recours, on peut aussi souligner que ce recours aux vacations, il a des effets en cascade, puisque des doctorants font un travail de maître de conférence, un maître de conférence va faire un travail de professeur des universités, les doctorants peuvent aussi faire un travail de secrétaire, et donc ça n'encourage pas les universités à employer des personnels titulaires et à stabiliser le personnel. Un autre point qui est extrêmement prégnant et déterminant dans qu'est-ce que c'est que faire un doctorat aujourd'hui, c'est la concurrence. Donc, Elsa en a déjà un petit peu parlé. Effectivement, dès le master, on se rend bien compte que la concurrence va être rude pour avoir des financements de doctorat. On ne sait pas tellement pourquoi ceux qui obtiennent un financement l'obtiennent au final. Qu'est-ce qu'ils disent dans les comités de sélection, sur quels critères c'est jugé, on ne sait pas trop. Et on comprend vite aussi, quand on commence un doctorat, que pour avoir un poste, il va falloir lutter avec acharnement. C'est à la fois une lutte économique, puisqu'il faut pouvoir tenir, qu'on soit financé ou pas, jusqu'au bout, jusqu'à la thèse de sa thèse. C'est aussi une lutte en termes de morale et de psychique, puisque vivre dans une condition de précarité permanente, c'est évidemment pas facile. Il y a une véritable souffrance au travail pour les doctorants, dans un contexte de concurrence exacerbée et de grande précarité. Et c'est évidemment aussi une lutte d'influence pour se bâtir des réseaux, bien s'entendre avec les titulaires qui pourront être dans un jury de sélection ou un jury de thèse. Et donc tout ça, ça dissuade évidemment de se plaindre de ses conditions de travail et de parler de son statut de doctorant. En plus de cette concurrence exacerbée, il y a la charge de travail qui est très importante. Évidemment la recherche, qui est censée être notre travail à temps plein, mais également l'écriture d'articles, la préparation de communication, la participation à des colloques, des journées d'études, l'organisation de divers événements de recherche et l'enseignement. Et donc toutes ces choses-là qui se multiplient et qui pèsent sur les doctorants, ça rend difficile l'entraide, alors que nos conditions de travail semblables devraient nous permettre de nous rassembler et d'échanger. Le manque, alors là je parle plus précisément encore de l'EHESS, mais c'est vrai que le manque d'espace de travail, à la fois en termes de bureaux, de places en bibliothèque, mais même de lieux de sociabilité comme la petite salle des étudiants qui est à côté, ça contribue à cet éclatement, à cet isolement des doctorants. Isolement évidemment des doctorants, les doctorants ont peu d'espace pour se rencontrer entre eux, mais également isolement par rapport aux titulaires quand on n'a pas de bureau. Donc c'est d'autant plus vrai pour les doctorants qui n'ont pas un financement. Et ça, c'est d'autant plus grave que, évidemment, une grande quantité d'informations circulent de manière informelle de tel ou tel colloque, de telle personne qui pourrait être dans le jury de thèse. Et donc, cette, ce moindre accès aux informations a des conséquences sur la carrière et n'est pas, n'affecte pas tout le monde de la même manière, puisque les doctorants financés ont plus facilement accès à ces informations. Les doctorants qui font partie des milieux sociaux les plus favorisés y ont plus facilement accès aussi. Donc, ça contribue à reproduire cette sélection sociale implicite. L'université, elle n'est pas hors de la société, et donc au sein de l'université, il y a évidemment tout un ensemble de rapports de pouvoir, de hiérarchie, de rapports de force. Ça, on le comprend facilement et très rapidement quand on est doctorant, on comprend que il faut rester à notre place et pas tellement se plaindre et ne pas broncher. La concurrence pour obtenir des postes, pour pouvoir publier un article, etc., ça pousse les doctorants au travail entre guillemets volontaire. Et on peut souligner d'ailleurs que le statut du doctorant est un statut bâtard, on ne sait pas si c'est un statut d'étudiant ou un statut de travailleur de recherche en CDD à l'université. Et du coup, l'université ou le labo peut jongler entre ces deux pôles-là selon ce qui les arrange. Alors on peut être étudiant quand il s'agit de surveiller l'avancement de nos travaux, de nous demander des comptes, ou de faire du travail gratuit sous prétexte de validation d'un séminaire, ou encore de n'avoir aucune prise sur les décisions qui sont prises au niveau du labo ou de l'université. Mais de l'autre côté, on est jeune chercheur ou jeune chercheuse quand il s'agit de comptabiliser nos publications pour l'évaluation de l'ARS, ou bien encore d'interdire à un syndicat étudiant de représenter les doctorants contractuels au sein des instances de l'EHESS. Le rapport avec le ou la directrice de thèse, c'est encore quelque chose qui est aléatoire et souvent compliqué. Alors évidemment, il y a plein de doctorants qui ont la chance d'être encadrés par un directeur qui est attentif, qui leur accorde du temps et qui apporte des conseils. Mais il y a aussi beaucoup de doctorants qui voient très rarement leur encadrant. Certains peuvent subir des pressions diverses qui vont du travail gratuit approprié par le directeur de thèse à des situations de harcèlement moral ou sexuel. Et dans tous ces cas de figure, les rapports de pouvoir internes à l'université et la concurrence entre doctorants rend quasiment impossible de se plaindre et de dire ces choses-là. Alors tout à l'heure, Elsa nous parlait de l'ouverture à l'international, de la réputation des universités, et en particulier, c'est le cas aussi pour le HESS. Pour les doctorants qui ne sont pas de nationalité française ou de l'Union européenne, la situation se complique encore avec la menace de l'expulsion qui intervient après la troisième année de thèse ou après la deuxième année de master. Sachant que les masterants ou les doctorants qui ne sont pas de langue maternelle française peuvent avoir plus de difficultés à faire leur master et à faire leur doctorat. Outre qu'un doctorat en sciences humaines et sociales, de toute façon, ne se fait pas en 3 ans, mais en 4, 5, voire 6 ans. Et du coup, il y a régulièrement des situations de doctorants qui sont menacés d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Et dans ces cas-là, l'EHESS, mais c'est vrai pour d'autres universités, ne les soutiennent pas systématiquement, pinaillent pour savoir s'il faut les soutenir ou pas, et ce, alors qu'elles ont encaissé leurs frais d'inscription en début d'année, qu'elles comptabilisent leurs publications, qu'elles bénéficient de leur travail, etc. etc. Tous ces constats et toutes ces choses-là sont effectivement très... il est difficile de les dire, et pour nous, le collectif contre la précarité est un espace absolument indispensable pour pouvoir échanger, pour pouvoir dire toutes ces choses-là, pour pouvoir nous rendre compte que notre situation n'est pas individuelle, mais qu'elle tient à des causes structurelles de comment est organisée l'université et comment elle est en train de changer. On compte sur la solidarité, sur le collectif, pour pouvoir à la fois réfléchir à ces situations, mais aussi trouver des pistes d'amélioration. On va pouvoir vous distribuer à la fois un tract qu'on a rédigé qui reprend ce que je viens de vous dire là, et également des pistes, des propositions. Alors, on ne peut pas forcément les appeler revendications, étant donné qu'on n'est pas, pour le moment, il n'y a pas un mouvement qui est en mesure de les porter et de les exiger. C'est les choses auxquelles on a abouti à partir de nos discussions, qu'on a organisées en 4 points, des règles du jeu qui sont claires et qui sont identiques pour tout le monde, une rémunération pour le travail effectué, une véritable formation à la recherche, parce que c'est des choses qui passent énormément par l'implicite et par l'aléatoire. Est-ce qu'on a un directeur de thèse sympa qui va nous expliquer comment écrire un article universitaire ou pas, et est-ce qu'il faut se débrouiller? Et évidemment, des bonnes conditions de travail pour toutes et tous, pour les doctorants, mais évidemment aussi pour le personnel administratif et technique.